le Verseau, viril, volontaire, coléreux parfois, mais toujours généreux. Celui qui aime et qui partage, et qui protège les faibles. Verseau, cette musique est votre musique. Courageux et violent. La flamme qui l'anime est intense. D'un tempérament très résistant, il va sans cesse à la bataille. Mais si la cause lui semble douteuse, il peut faire des volte-face spectaculaires. Bélier, cette musique est votre musique. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Le concert est secret. Il n'aime pas les gens superficiels. Il préfère les racines à la fleur. Il aime la nature profonde des êtres et des choses. Mais son cœur très sensible le porte parfois à la mélancolie. Cancer, cette musique est votre musique. Le Capricorne n'est pas le signe de la facilité, mais celui de la prévoyance et de l'économie. Les natifs de ce signe aiment prendre de la distance. D'une grande richesse intérieure, ils aiment le silence et parfois même la solitude. Cette musique est votre musique. Thank you. ce sont les Gémeaux. Sensuel, amoureux de la vie à deux, assoiffés de connaissances, avec leur peur de la mort, leur peur de vieillir, leur peur d'être seul. Gémeaux, cette musique est votre musique. La balance, signe de gaieté et de courtoisie. Bien qu'il paraisse parfois superficiel, il y a au contraire chez les natifs de ce signe quelque chose de profond, quelque chose qui ressemble parfois à la solitude. Balance, cette musique est votre musique. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. voici le lion. Superbe. Dominateur. Il sait à la fois écouter et imposer. Plus doué pour la justice que pour l'amour, il est souvent solitaire. Lion, cette musique est votre musique. Mystique. Il suit sa vague, il aime la continuité, il aime la liberté et la fait respecter. Susceptible et jaloux, il peut être tour à tour fataliste et violent. Poisson, cette musique est votre musique. Thank you. Le Sagittaire, c'est la force tranquille. Têtu mais rapide dans ses décisions, tantôt romantique, tantôt violent, il préfère toujours l'attaque à la défense. Sagittaire, cette musique est votre musique. Le scorpion est un travailleur infatigable. Symbole de la virilité et de la jalousie amoureuse, il est en perpétuelle quête de la vérité. C'est un séducteur tourmenté. Scorpion, cette musique est votre musique. Thank you. le taureau est un grand travailleur. Puissant, organisé, il peut venir à bout de n'importe quelle tâche. Pour la personne qu'il aime, il est capable de prendre n'importe quel risque, y compris celui de sa vie. Taureau, cette musique est votre musique. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. La Vierge, c'est le signe de la famille, du dévouement, de la gratuité. Confiante en son destin, le natif de la Vierge s'est triomphé du malheur et parvient à certains instants à jouir d'un bonheur discret mais total. Vierge, cette musique est votre musique.